suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec la troisième personne singulier. Le masculin, il, hien. Le féminin, elle, sie. Et le neutre, hat. Wie heißt hien? Hien heißt Jean Schmidt. Wo wohnt sie? Sie wohnt zu Brüssel, à Bruxelles, an der Belge. Fu wo as hat? Hat as fu Basel, aus der Schweiz. De ces trois, le hat, donc la troisième personne singulier neutre, représente le seul problème. Le pronom est utilisé, bien sûr, pour un nom neutre, comme par exemple l'enfant Kant. Mais il est utilisé également pour une femme adulte qu'on connaît de très près et qu'on appelle par son prénom. Ce qui semble une contradiction. Comment peut-on utiliser un pronom personnel neutre pour une personne qui est clairement une femme? Pourtant, on le fait. Ce qui nous donne, voilà, Cynthia Warner. Elle est institutrice. Dat as Cynthia Warner, hat as Lehrerin. Donc, tant qu'on ne connaît pas de près Madame Wagner, on dit « sie », donc « elle » au féminin. Mais du moment qu'on atteint un certain degré de familiarité, on la neutralise en quelque sorte. Voilà Madame Wagner, elle est institutrice. Dat as Madame Werner, sie as Lehrerin. Voilà Cynthia Wagner, elle est institutrice. Dat as Cynthia Werner, hat as Lehrerin. Le verbe à l'indicatif présent prend un T pour la troisième personne au singulier. Elle s'appelle sie heißt. Il habite Paris. Hier wohnt zu Paris. Cynthia parle français. Cynthia schwätzt Französisch. Hat schwätzt Französisch. Donc, les terminaisons des verbes au présent que nous avons vus jusqu'à présent sont ich. Heischen, hien, sie, hat, heischt, dir, heischt. Ich wohnen, hien, sie, hat, wohnt, dir, wohnt. Encore une fois. Ich heischen, hien, sie, hat, heischt, dir, heischt. Ich wohnen, hien, sie, hat, wohnt. Dir wohnt. Le verbe auxiliaire être devient au présent, d'ailleurs nous l'avons déjà vu. Ich sin, hien sie hat as et dir sit. Ich sin Cynthia Werner. Mein num as Jean Schmidt. Dir sitten Herr Jean Schmidt. Et pour l'auxiliaire avoir, nous avons ich hun, hien sie hat huet, dir hut. Encore une fois, ich hun, hien, sie, hat, huet, dir hut. Attention, pour la troisième personne singulier, nous avons un ue, hien, huet, alors que pour la deuxième personne plurielle, respectivement le vous poli, nous avons un simple ou, dir hut. Hien, huet, dir hut. J'ai une voiture. Ich hun ein Auto. Il a une maison. Hien huet ein Haus. Vous avez une bicyclette. Dir hut a Velo. Appliquons maintenant ce que nous venons de voir au dialogue des premières leçons. Quel est son nom? Wie as sein Num? Sein Num as Schmidt. Sei vier Num as Jean. Hien as de Jean Schmidt. Quel est son nom pour une femme? Wie as hire Num? Hire Num as Wagner. Hire vier Num as Cynthia. Sie heißt Cynthia Wagner. Sie as Cynthia Werner. Si Cynthia est une personne que nous connaissons bien, nous la présentons par le hat familier. Sein Num as Werner. Sei vier Num as Cynthia. Hat heißt Cynthia Wagner. Hat aus Cynthia Wagner. Est-il Monsieur Schmidt? Aus hien den Herr Schmidt? Jo, hien aus den Herr Schmidt. Hien aus England, von London. Hier wohnt auf Frankreich, zu Paris. Est-elle Madame Wagner? Aus sieht Madame Wagner? Jo, sie aus Madame Wagner. Sie aus aus England, von London. Sie wohnt auf Frankreich, zu Paris. Ou dans le cas de hat? Hat aus Cynthia Wagner. Hat aus aus England, von London. Hat wohnt auf Frankreich, zu Paris. Continuons notre présentation. Hien aus Engländer. Hier schwätzt Englisch a Lützebuyesch. Sie aus Holländerin. Sie schwätzt auch Lützebuyesch, aussi. Hat aus Spanierin. Hat schwätzt Spanisch. Le Verb kommen, que nous avons vu dans Ich komme aus England, est irrégulier et devient la troisième personne singulier könnt. Hier könnt aus England. Sie könnt aus Holland. Hat könnt aus Spanien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Wir hören uns die nächste Kehr auf dieser Antenne.